On va parler de hockey, on va parler des Oilers d'Edmonton. On a appris au cours des derniers jours que les Oilers vont être vendeurs incroyables, pareil, à la date limite des transactions. On en parle avec celui qui couvre les Oilers d'Edmonton. On va y parler également de la situation des Flames de Calgary avec Jaromir Jagr. On parle avec Patrick Henry de Radio-Canada Edmonton. Salut Patrick. Salut Denis. Patrick, incroyable. C'est tout le monde avait dit que les Oilers d'Edmonton allaient gagner. Tout le monde les voyait à la Coupe Stanley. Si à Montréal, on est déçu du côté du Canadien, je pense que du côté d'Edmonton, on doit sûrement être extrêmement déçu parce qu'on les voyait à la Coupe Stanley. Ouais, on est déçu, c'est vraiment le mot. On n'est pas fâché. C'est ça qui est peut-être un peu différent de Montréal. Il n'y a pas nécessairement de grogne à Edmonton. Bon, c'est pas tout le monde qui est content du travail de l'entraîneur, du directeur général, des joueurs surtout, mais on est plutôt déçus que d'autres choses. Il y en a beaucoup qui s'accrochaient encore en décembre. On disait, c'est encore possible. Là, ils se mettent à gagner. C'est encore possible, mais là, ça commence à être de plus en plus difficile. Les Oilers qui ont encore deux matchs avant de prendre une pause, ils vont jouer un peu, puis après ça, ils retombent en pause pour le match des Étoiles. Ça donne pas grand temps pour changer le vent de bord pour eux autres, mais mathématiquement, c'est encore possible. Est-ce qu'ils sont capables de le faire? Ils ne sont pas prouvés cette année qu'ils pouvaient le faire. Qu'est-ce qui a pas fonctionné? C'est-tu la chimie? C'est-tu une mauvaise année? C'est quoi, en fait? Parce que McDavid était un grand passage à vide. C'est incroyable. Qu'est-ce qui a pas fonctionné? Je pense que McDavid, on peut pas vraiment critiquer McDavid parce qu'il se retrouve quand même dans le top des meilleurs marqueurs, même s'il est pas très bien entouré cette année. Il a eu sa plus longue léthargie en carrière, là, 3 matchs consécutifs sans avoir de points. Les Oilers se sont fait blanchir 2 fois dans cette courte période-là. Je pense qu'il y a eu un mauvais départ on a eu un très bon premier match, mais après ça, on s'est mis à perdre et comme ça a été le cas pendant 10 ans, quand tu commences à perdre puis que tu te rends compte que finalement c'est pas si grave que ça, tu t'y habitues, ce qui a pas été le cas l'an passé. L'an passé, une défaite, c'était très grave finalement parce qu'on jouait tellement bien au début de la saison. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu liées à la malchance. Il y a des matchs qu'on réussit à gagner du côté des Oilers l'an passé, que cette année ça fonctionne pas. Des buts refusés, des petites choses des fois qui font que ça démoralise un peu. Il y a Cam Talbot qui est pas aussi bon que l'an passé. Il a sauvé des matchs à lui seul cette année. C'est plus difficile, même si il y a quand même certains bons matchs, mais pas autant que l'année passée. Moi, je pense que les joueurs surtout ont moins de plaisir à jouer ensemble, mais c'est peut-être le cas parce qu'on gagne moins souvent aussi. Quand on gagne, on a beaucoup plus de fun. On vient à un moment donné où c'est comme, on a perdu, qu'est-ce qu'on va faire, on se questionne tellement qu'on n'a plus de plaisir à jouer, puis on réussit pas à trouver les moyens de gagner. Puis il y a de la parité dans la Ligue nationale, mais on regarde les Lightning de Tampa Bay, les Kings de Los Angeles, en ont eu des mauvaises années, puis on n'a pas tout changé dans ces équipes-là, puis la saison d'après, c'est complètement différent. Alors il suffit d'une petite chose peut-être, un bon début de saison l'an prochain, si on garde le même noyau de joueurs, puis que le résultat va être complètement différent. C'est une off-saison, je pense. Là, c'est une saison où les gars sont pas dedans. Si ça avait été l'an passé, si on avait joué cette saison-là l'an passé, au lieu de celle qu'on a jouée l'an passé, tout le monde serait content. On dirait, on est à une dizaine de points de la troisième place, de la troisième position. C'est une grosse amélioration. On est premier pour les mises en échec. On est deuxième pour les tirs bloqués. On verrait du positif. Mais là, comme tu l'as dit, en fonction des attentes, parce que les gens les voyaient très haut cette année, on est déçus. OK. Patrick, qu'est-ce que tu t'attends? À Montréal, on sait que, normalement, Pacioretty, Plekanec vont partir, possiblement même Jeff Petrie, s'il y a une demande d'Andrew Shaw. Est-ce que tu t'attends qu'à Edmonton? Quels joueurs sont les plus susceptibles de quitter Edmonton? Je pense que hier, on a tous entendu que là, Anton Slepyshev était le premier sur la liste de Peter Chiarelli. Il a envoyé un courriel à tout le monde dans la Ligue nationale pour dire qu'il est disponible. Lui, c'est une déception cette année. Il a été blessé, mais il aurait dû produire un peu plus que ça. On parle de Patrick Maroon qui va demander un plus gros salaire l'an prochain. Et là, ça devient, à partir de l'an prochain, là, les Oilers deviennent un peu comme les Blackhawks de Chicago. Ils doivent faire vraiment attention à chaque dollar qu'ils vont dépenser. Donc, Patrick Maroon, c'est un joueur qui est très susceptible de partir. Slepyshev, je pense que lui, il est déjà parti. Qui d'autre pourrait partir? C'est sûr que si on a... Il y a encore le problème avec Ryan Nugent-Hopkins, ouais, qui joue très bien cette année, qui est probablement, avec McDavid, le meilleur joueur de l'équipe. Son salaire de 6 millions, ben c'est pas à son avantage pour s'il veut rester à Edmonton. Donc, si on réussit à avoir quelque chose de bon en retour de lui, il va probablement partir, mais on n'est pas dans la situation où il faut absolument l'envoyer. Là, comme on a... on va pas se contenter de Ryan Strome comme on a eu pour Jordan Eberle, par exemple. Si on envoie Ryan Nugent-Hopkins à quelque part, c'est qu'on va avoir quelque chose de très bon en retour. Donc, il y a des gens qui aimeraient bien voir Milan Lucic partir, mais ça, okay, ça arrivera pas. Ouais. Donc, les joueurs, les Draisaitl, tu as parlé de Jordan Eberle également, ça partira pas, ça. Ben, si ça pourrait partir s'il y a quelque chose de ouais, comme de quoi, très bon. Draisaitl, ça serait très surprenant de le voir partir. Okay. Est-ce qu'on pourrait décider du côté des Oilers de garder Nugent-Hopkins et finalement de se départir de Draisaitl? Okay. C'est sûr que le retour pour Draisaitl serait beaucoup plus élevé que pour Ryan Nugent-Hopkins. Mais Draisaitl a juste 22 ans. C'est pas bon, il n'y a pas une aussi bonne saison que l'an passé. Écoutez, il n'y a rien d'impossible durant la saison morte. Je pense pas que Draisaitl va être échangé à la date limite des transactions. Ça serait vraiment très, très surprenant. Cet été, si on est capable d'avoir un gros package avec un défenseur numéro un, si les Kings offraient Drew Doughty aux Oilers pour Léon Draisaitl, ben là, peut-être que d'un coup, Draisaitl deviendrait disponible. Là, OK. Parle-moi maintenant est-ce que Todd McLellan, son poste pourrait être en danger? Probablement pas durant la saison, okay, à moins que les Oilers en perdent 10 de suite là, ou quelque chose comme ça. Okay. Peter Chiarelli, la semaine dernière, a confirmé qu'il avait confiance en Todd McLellan. Tout le monde reconnaît que c'est un bon entraîneur. Ce qui fonctionne pas, c'est des unités spéciales. Il y a beaucoup de gens à Edmonton qui demandent la tête là, des assistants-entraîneurs, qui disent peut-être que c'est ça qu'il faudrait changer. Les gens adorent Todd McLellan, mais là, c'est sûr que ça commence à discuter un peu plus. Est-ce que là, c'est lui qui devrait partir? Et si oui, qu'est-ce que ça va changer dans le fond? Parce que si on le remplace, on va le remplacer par un entraîneur au moins aussi bon que lui, pas nécessairement énormément meilleur. Donc, est-ce que ça peut changer la dynamique de l'équipe? Sûrement un peu, mais c'est sur la glace le problème. C'est ça, les gens s'entendent pour le dire. C'est les joueurs qui livrent pas la marchandise. S'il y a des systèmes de jeu qui fonctionnent pas, c'est probablement un désavantage numérique. Mais pour le reste, c'est pas un problème de système de jeu là, dans qui fait que les Oilers réussissent pas à marquer puis qui accordent énormément de buts. OK. Donc, on va suivre ça. Je veux parler des Flames de Calgary. Jaromir Jagr, il se passe quoi avec? Est-ce que c'est finalement l'année de trop dans le cas de Jaromir Jagr? Ben, il est encore capable de jouer. Quand il joue, il est là. Mais, plusieurs blessures cette année. On se demande de ce qu'il veut aller aux Olympiques. Il commence à être un peu tard, là. Je sais pas si l'équipe tchèque a annoncé son équipe ou pas. Lui, ce qu'il voulait, c'est pouvoir jouer aussi longtemps que Gordie Howe, pouvoir égaler le record. Ça commence à être difficile. J'ai pas regardé là, combien de matchs il est rendu, combien encore il en a besoin, mais ça va commencer à être un peu difficile. Il y a des choses qui se passeraient hors patinoire à Calgary où Jaromir Jagr est reconnu pour aimer faire la fête. Même à 45 ans. C'est pas toujours l'affaire de tout le monde. Ouais, c'est ça. Il est quand même plus. Il vit comme quelqu'un de 18 ans, mais il y en a plus de 18. Ben, on n'empêche que Brian Burke dit que c'est quand même une présence positive dans l'entourage de l'équipe. Si c'était à refaire, il a dit hier, si c'était à refaire, il signera encore Jaromir Jagr. Alors, il n'est pas parti encore, mais il n'est pas avec l'équipe sur la route. On va voir ce qui va se passer d'ici le match des Étoiles. Je pense que c'est peut-être une des dates limites qu'on s'est fixées pour voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va rester à Calgary ou est-ce qu'on va, d'un commun accord, annuler son contrat pour qu'il s'en ait joué soit dans une autre équipe ou en Europe. Je pense que l'Europe est peut-être plus une alternative. À moins qu'il veuille vraiment, vraiment, vraiment battre le record de Gordie Howe. Je dis que ça s'en vient difficile. Ça vient très, très difficile. Je veux te parler en terminant de l'équipe olympique canadienne. Dans l'Est du Québec et du pays, on est plus ou moins... on va suivre ça de près, mais c'est sûr que ça va manquer de saveur. C'est la même affaire dans l'Ouest? Ben c'est oui, les gars, même il y a 8 Albertains, mais on les connaît pas tous. Il y a des noms qui disent rien à personne, mais on essaie de se rappeler que avant la venue des joueurs de la Ligue nationale au tournoi olympique, on suivait quand même le tournoi olympique énormément. Je me rappelle, moi j'ai parlé souvent avec Claude Villegrain, qui est un ancien de la Ligue nationale et qui avait participé participé aux Jeux Olympiques en 88. Personne ne le connaissait. Il a commencé sa carrière, lui, professionnelle, pas longtemps après. Et on avait suivi les Jeux Olympiques en 88, le tournoi de hockey. On ne connaissait pas grand joueur là-dedans. Si vous regardez la liste des joueurs qui ont participé, là. Par contre, t'avais des Joey Junot, t'avais des Paul Kariya, t'avais des espoirs au travers de ces joueurs-là. Ce que t'as pas cette année. Quelques-uns au travers, ouais. Certains. Là, c'est des joueurs qui sont en Europe, mais ça va être la même chose du côté des autres équipes. C'est ça qu'il faut se dire. Ouais. On a un plus grand bassin de joueurs pour choisir. Moi je suis personnellement, je me sens pas en position de critiquer le travail de Hockey Canada qui a vu beaucoup plus de joueurs que nous jouer. On peut se questionner sur la présence de certains joueurs qu'on connaît, comme nous à Edmonton, Rob Klinkhammer, on l'a vu jouer pendant deux saisons. On se dit, OK, est-ce que vraiment Maxime Talbot aurait pas été meilleur? Ou, Pierre Parenteau. Justement Parenteau. Hockey Canada a pris des décisions en fonction de façon de construire l'équipe. On se questionne sur les défenseurs. On dit, on les connaît pas vraiment beaucoup. Non. On va jouer sur une grande glace, mais justement, ces joueurs-là sont habitués de jouer sur une grande glace. C'est des joueurs qui jouent en Europe depuis déjà plusieurs années. Alors, c'est des atouts cachés qu'on connaît pas. Puis moi, je peux vous dire qu'il y a sûrement trois ou quatre au moins de ces joueurs-là qui vont finir par se retrouver dans la Ligue nationale peut-être dès l'an prochain en raison de leurs jeux aux Olympiques s'ils performent bien. Ça va être un tournoi différent, mais moi, je pense que c'est un tournoi que tout le monde va suivre attentivement quand même. Hâte de voir. Patrick Henry de Radio-Canada et Metton, on s'en parle bientôt. Parfait, ça fait plaisir, Daniel. Patrick Henry de Radio-Canada et Metton.